Andale, andale. Gros, j'allais t'en parler. J'ai fait le pain toute l'année. J'hésite entre la Aston Martin ou la Bentley. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. J't'enverrai un email. J'suis calé, petit rosé. J'suis refait, j'vais te montrer comment on fait. Petit Polo Cabana. J'ai mon cigare Havana. Cousine, on reste poli. Elle a faim, la cousine, elle me branche à une ennemie. Bonne année, bonne santé. Fais péter le dompé. Fais peser, emballé. Dans l'enveloppe, le cachet, j'ai la flemme de compter. J'suis posé à Marseille, éclaté sous le soleil. Je gamberge, j'en fais fait, j'me demande où j'vais passer l'été. Petit Polo Cabana, j'ai mon cigare Havana. I like G Montana, j'ai cassé la marche arrière. Et ta gadi, qu'est-ce qu'elle a? Elle croit qu'elle a bon avec moi. J'ai planté le Panamera, arrête de me jeter l'œil. Quand on n'est pas joli, cousine, on reste poli. Me branche à une ennemie. Eh ma bella, ça fait la belle Angéla. Eh ma bella, elle m'a sorti son tralala. Quand on n'est pas joli, cousine, on reste faux.